Ce soir, le sujet, l'éveil de la conscience intérieure. Beaucoup d'individus qui, dans leur processus de développement, cherchent à avoir des réponses à des questions souvent insolubles, en apparence évidemment, ont besoin de points de repère extérieurs ou de points de repère dans la vie, au niveau de la forme surtout, éventuellement se trouvent devant des impressions qui génèrent constamment des illusions. Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler de comment l'individu peut avoir accès à ses réponses sans subir le traitement de l'illusion et de la déception. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir. La température est bien ajustée. Ce soir, Bernard, l'éveil de la conscience intérieure, l'individu dans sa démarche pour avoir réponse à toutes ces questions, sur quelle dimension de son être peut-il compter pour en arriver à solutionner finalement toutes les questions ou les tensions qui lui sont présentées dans l'existence? Est-ce qu'il y a une réalité à penser qu'on a accès à toutes nos réponses? Est-ce que c'est une réalité de savoir intérieurement qu'on a accès à toutes nos réponses dans la vie? Oui, c'est une réalité de savoir qu'on a accès à toutes les réponses dans la vie. Par contre, l'homme doit comprendre que sa pensée est extrêmement astralisée. Dans ce sens que l'homme est loin de sa réalité parce que son plan mental manque de lumière, c'est-à-dire que son plan mental, le taux vibratoire de son plan mental est inférieur à ce qu'il devrait être. Et la cause de ceci, c'est que la pensée humaine, l'homme quand il pense, elle réfléchit des émotions. Elle réfléchit des émotions qui sont soit d'ordre social, dans ce sens que l'homme puise dans tout le contexte de la pensée sociale des éléments émotifs qui colorent sa pensée, ou qu'il vit des émotions par rapport à lui-même qui colorent son mental et qui l'empêchent d'avoir accès à une vibration supérieure, ou d'où il pourrait tirer toute cette connaissance personnelle et ultimement cette connaissance universelle qui fait partie d'une voyance directe ou d'une voyance parfaite. Il n'y a aucune raison pour laquelle l'homme ne puisse reconnaître en lui-même cette faculté. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de sa nobilité, ça fait partie de sa conscience. Mais l'homme, à ce stade de l'évolution, est considéré un être inconscient, dans ce sens qu'il n'a pas conscience de l'origine de ses pensées. Il réagit à ses pensées. Il n'en connaît pas les mécanismes, les subtilités, les affectations, l'astralisation. Et c'est pour ça qu'il a de la difficulté à prendre connaissance ou à prendre conscience de sa nature mentale supérieure. Est-ce que la réalité dont on parle d'avoir accès à toutes ces réponses, est-ce que ça se rapproche fortement de la médiumnité que l'on connaît, là, de ce qu'on aujourd'hui qu'on considère être des médiums? Est-ce qu'une personne peut s'attendre dans le développement de sa vie à avoir accès à une clairvoyance, à une sorte de médiumnité même de son avenir, lorsqu'il a accès à ces fameuses réponses dans un état de conscience? Il y a deux sortes de médiumnité. Il y a une médiumnité astrale. Ouais. Il y a une médiumnité mentale. Il y a des gens dans le monde qui sont médiums. Ce sont des médiums qui travaillent avec le plan astral, qui reçoivent de l'information à partir de guides spirituels, ainsi de suite. Et souvent, cette médiumnité astrale, elle est utilisée pour le service à l'humanité. Elle sert aux hommes qui viennent vers eux. Mais l'homme lui-même, lorsqu'il est en contact avec sa source, avec son plan mental supérieur, est en effet un médium, mais il n'est pas un médium astral, il est un médium mental, il est un médium parfait, il n'est pas au service de la race. Sa médiumnité n'est pas karmique, Mm-hmm. Autrement dit, sa médiumnité n'est pas un métier qu'il utilise ou qu'il vit par rapport à l'expérience de l'âme. Ça fait partie tout naturel du contact entre l'origine mentale de sa conscience, où se situe pareillement son double et lui-même. À ce moment-là, l'homme est médium, mais il n'est pas médium, ce n'est pas un médium de service. Ce n'est pas un médium au service de l'humanité. Ce n'est pas un médium dans ce sens qu'il vit une expérience d'âme à travers ou par rapport à d'autres âmes qui sont invisibles. C'est un être qui puise directement à la source de sa conscience universelle ou universalisée. Donc, c'est un homme qui a une connaissance directe selon son rôle, selon sa fonction, selon son plan de vie sur la Terre. Mais est-ce que les informations que le médium traite avec l'astral, est-ce que ces informations-là sont exactes dans un bon pourcentage? Il y a des médiums qui peuvent donner à l'homme de l'information exacte, oui. Ça fait partie de leur taux vibratoire, ça fait partie du lien karmique qu'ils vivent avec l'entité qui leur fournit l'information. La médiumnité de service, c'est une médiumnité de relation. Donc, un médium qui a une bonne vibration, qui a une bonne résonance vibratoire avec une entité ou un guide spirituel dans l'astral peut recevoir de la très bonne information. Et cette information ou la précision de cette information fait partie de sa mission sur la Terre, fait partie de son métier sur la Terre. Par contre, un homme qui vivrait une médiumnité directe avec le plan mental, cette médiumnité-là ne serait plus régie par les lois de l'astral, dans ce sens que, bon, pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est qu'un médium qui reçoit de l'information à partir de l'astral est moins sujet à un contrôle qu'un médium qui reçoit de l'information à partir du plan mental dans un état de fusion. La raison est très simple, c'est qu'un médium qui reçoit de l'information à partir de l'astral, il la reçoit, et écoutez bien ceci, il la reçoit toujours en fonction des lois de l'astral. Donc, que cette information soit précise ou qu'elle soit moins précise ou qu'elle ne soit pas précise, ça fait toujours partie des lois de l'astral. Admettons que l'information soit précise, elle est précise dans la mesure où le médium la reçoit comme telle, et elle est précise aussi dans la mesure où elle convient aux lois politiques, spirituelles de l'astral sur la Terre. Par contre, un homme qui serait en médiumnité directe avec le plan mental, comme moi je suis par exemple, pourrait facilement voir à travers le truchement d'une médiumnité astrale, et s'il était en contact avec un médium qui ferait une telle médiumnité, pourrait facilement communiquer avec l'entité et ajuster l'information qui vient de l'entité. Donc à ce moment-là, il deviendrait lui-même, sur le plan matériel, dans un état de fusion consciente, un instrument servant à corriger les entités qui sont dans le monde de l'astral. Parce que ultimement, je parle de l'homme de l'évolution, de l'homme conscient, ultimement, cet homme doit en arriver un jour à véhiculer sur le plan matériel, à tous les niveaux de la science, que ce soit la science de la spiritualité, que ce soit la science des mondes invisibles, que ce soit la science de la matière, que ce soit la science de l'astronomie ou des mondes, il doit véhiculer une science qui est parfaite, c'est-à-dire qui n'est pas régie par les lois de l'astral. Donc, effectivement, viendra le temps au cours de l'évolution où l'homme ne sera plus un médium astral, il sera un médium direct, un médium parfait, mais sa médiumnité sera tellement puissante dans ce sens qu'elle ne sera plus régie par les lois de l'évolution, que tout contact entre cette médiumnité mentale et toute médiumnité astrale serait apte à créer un choc dans le plan astral, pour aider les entités dans le monde de la mort à reconnaître que finalement l'homme sur la Terre est entré dans son cycle de mentalité, dans son cycle d'intelligence, dans son cycle d'autonomie incarnationnelle, dans son cycle de médiumnité pure, dans son cycle de maîtrise totale du plan mental, dans son cycle où lui, en tant qu'être planétaire, n'est plus régi par les lois de l'incompétence psychologique du moi astral, c'est-à-dire des âmes qui, par rapport ou par affiliation avec l'âme incarnée, établissent un pont permettant à l'homme sur la Terre de bénéficier de certaines informations à cause de la lourdeur de ses sens et son incapacité d'avoir accès directement à sa propre lumière, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, au cours de l'évolution, le contact entre l'homme et l'astral sera brisé complètement, donc nous n'aurons plus de médium astro. Par contre, aujourd'hui, dans les temps que nous connaissons, les médiums astraux peuvent être très utiles à l'homme qui est en voie d'évolution, mais viendra un temps où le médium astral ne sera plus utile pour l'évolution de l'homme parce que l'homme lui-même sera devenu un médium mental, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de corriger à l'infini les erreurs subtiles et programmées du mensonge cosmique. La conscience, lorsqu'elle s'éveille, est-ce qu'elle doit passer par une forme de médiumnité? La conscience, lorsqu'elle s'éveille, commence à entrer dans une forme de médiumnité. Elle peut entrer dans une forme de médiumnité astrale au début, et avec le temps, elle change de taux vibratoire, et éventuellement, elle deviendra une conscience médiumnique mentale. C'est-à-dire que le contact entre l'ego ou l'âme sera fait, non pas à partir des entités, des hautes entités dans l'astral, mais directement avec le double universel qui représente sur le plan mental la source, l'origine même de la radiation de la pensée qui sert à l'évolution du mental humain et au développement de l'intelligence cosmique sur le plan matériel. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'on se reconnaît ou on reconnaît une autre personne, un accès à une forme quelconque de médiumnité, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'un éveil de sa conscience? C'est-à-dire qu'on voit que la personne prend conscience de l'invisible et que c'est à ce moment-là qu'il a comme, en guillemets, la confirmation de son état dit de conscience dans le sens mental du terme. Est-ce que c'est à ce moment-là, quand on commence à avoir des réponses qui viennent d'un plan subtil, d'un plan invisible, même s'il est astral, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que l'individu est conscient, là, oui, qui est en éveil de conscience? Oui. C'est à partir de ce moment-là? Oui. Bon. Maintenant, si une personne n'a pas accès à sa médiumnité, mais s'informe énormément au travers de conférences, de livres ou de dialogues avec d'autres personnes, s'informe de beaucoup de choses qui touchent l'occulte, l'invisible, mais qui n'a pas accès vraiment à cette médiumnité-là. À quel niveau est-il au niveau de ce qu'on appelle la conscience? Quelle est sa dimension dans sa démarche-là? Ce contact avec d'autres esprits, d'autres individus, d'autres points de lumière créera en lui un éveil de conscience parce que ce contact mettra en vibration, en résonance sa propre énergie mentale, mettra en résonance son intelligence supérieure, aidera au développement de son intuition, facilitera le passage d'une certaine vibration occultée à un plan mental plus éveillé et permettra ultimement que l'individu se désagrège un peu en tant qu'ego rationnel, personnalisé, rationnel, pour devenir un ego plus ouvert, plus transparent, plus réel. Et ça fait partie de l'éveil de la conscience. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'il aura une sorte de relation avec l'aspect invisible. Est-ce qu'il y aurait deux sortes de médiumnité? Parce que pour les gens spirituels, une médiumnité, c'est une réponse avec une communication intérieure. Mais pour une personne pratico-pratique, ça peut-être être une stratégie d'affaires ou une vision ou quelque chose du genre. Tous les hommes vivent au cours de leur expérience un certain niveau de médiumnité. Tous les hommes reçoivent de l'information. Par contre, un homme qui est très matériel, qui est très orienté en focus sur la matière, a tendance à abrutir ses sens. Par contre, de temps à autre, il va vivre certaines impressions qui vont passer en sournoise, si vous voulez, qui vont passer et qui vont le faire vibrer, mais il n'aura pas suffisamment de conscience pour prendre ces mouvements de l'esprit ou d'esprit supérieur à travers sa conscience. Il n'aura pas suffisamment de sensibilité pour mettre le doigt sur ces petits aspects de révélation entre un plan et un autre. Par contre, s'il rencontre une personne et qu'il dit et que dans une certaine discussion ouverte, spirituelle, plus occultée, plus hermétique, il verra que ce que la personne lui dit ou lui raconte de son expérience se conforme très très facilement à la sienne. Il verra que lui aussi, il a eu des expériences semblables, parallèles, ainsi de suite. Et là, en discussion avec une personne qui est sensible, il pourra s'ouvrir. Le problème aussi qui empêche les hommes très matériels de s'ouvrir à l'invisible, c'est que souvent ces êtres-là n'ont pas, pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas suffisamment contact au niveau de la communication, au niveau du langage, de l'échange d'idées. Ils n'ont pas suffisamment contact avec des gens qui vibrent ces expériences. Mais tous les hommes sur la terre, de quelque niveau qu'ils soient, ont quelque part au cours de leur expérience vibré certaines informations qui ne venaient pas de leur ego. Mais de là à en être très conscient, de là à faire de ceci une connexion avec les plans subtils, c'est une autre chose. Ça fait partie de l'évolution de l'âme. Il y a des âmes qui sont très très réceptives à ces perceptions. Il y a d'autres âmes qui sont moins réceptives à ces perceptions. Et si l'on considère non pas nécessairement les erreurs, mais les superstitions, l'ignorance, les illusions qui ont coloré toute cette expérience humaine depuis des siècles, qu'on englobe dans le concept de la divinisation, et ainsi de suite, c'est normal dans un sens que le type qui est matériel ou didactique ou rationnel ou scientifique ou mécanique s'oppose à une intrusion dans son mental de certaines facultés ou de certaines perceptions ou de certaines notions qui menacent de mettre par terre son objectivité par rapport à l'étude de quoi que ce soit. L'homme a le droit, et d'ailleurs il a non simplement le droit, mais il a aussi raison de se méfier des subterfuges et des manipulations subtiles que l'astral peut manifester à travers certains individus médiumniques, à travers certaines sciences ésotériques, et ainsi de suite. L'homme a besoin de réellement de savoir et de comprendre de façon objective, par lui-même, le bien fondé de toutes ces révélations, de toutes ces notions. Sinon, il risque de développer une conscience parallèle, mais une conscience infirmée, le risque de perdre son objectivité. Et puisqu'il est sur le plan matériel, qu'il doit travailler dans la science, dans la matière, qu'il doit travailler avec ses sens, l'invisible doit être en parfait accord avec le matériel. Et si l'invisible n'est pas en parfait accord avec le matériel, c'est parce que il n'y a pas, ou nous n'avons pas eu, au cours de l'évolution, suffisamment d'instructions, ou de mécanismes, ou d'outils, pour réellement faire une chirurgie astrale. Et d'ailleurs, au cours de l'évolution, nous verrons, en tout cas, là je parle réellement des initiés, les initiés opéreront une chirurgie astrale. Il y aura une transformation du plan astral à des niveaux très très élevés. Il y aura une réorganisation des points d'influence dans l'astral, dans ce sens que il y aura des plans de l'astral qui seront réunis et comprimés ensemble, d'autres plans qui seront totalement séparés. Et il y aura une relocalisation astrale des populations, des âmes dans ces plans-là. Et ceci permettra finalement qu'il y ait une plus grande résonance entre le plan astral et le plan matériel, mais une résonance basée beaucoup plus sur l'intervention d'âmes avancées que sur l'intervention de n'importe quelle âme qui peut se servir aujourd'hui dans le monde de l'homme comme canal. Autrement dit, si nous regardons... Si nous voulions tester ou éprouver ou mesurer la validité créative de l'information qui vient de l'astral dans le monde, nous serions très très surpris de voir que l'information qui vient du plan astral à travers les cerveaux, à travers l'homme, planétairement parlant, est inférieure à 10%, la bonne information. Donc, 90% de mauvaise information, 10% de bonne information. Et quand je dis de bonne information, je dis de bonne information. Bonne information veut dire, pour moi, une information qui ne s'oppose pas aux lois de l'évolution de la conscience mentale de l'homme. À partir du moment où une entité dans le plan astral s'oppose à l'évolution de la conscience mentale de l'homme, il est automatiquement assujetti à des lois de désinformation qui font partie de son monde. Mm-hmm. Donc, une entité, ce que j'appelle un bon médium, et quand je dis un bon médium, je ne parle pas de l'honnêteté du médium, parce que là, quand on parle de médium, de certains médiums, ces gens-là sont au-dessus, sont au-delà de la petite niaiserie humaine. Ce sont des gens qui ne fabulent pas avec l'information qu'ils reçoivent. Ce sont des gens qui ne travestissent pas l'information qu'ils reçoivent. Par contre, ils sont des canaux de cette information, et comme ils sont des canaux de cette information, La responsabilité de l'information, je ne la place pas avec les médiums, je la place avec les entités qui les informent. Donc, ma hargne, ou ma guerre, si vous voulez, n'est pas tellement avec les médiums, mais elle est avec les entités. Mm-hmm. Donc, si je rencontre un médium, moi, personnellement, qui a une entité, ce n'est pas le médium que je vais châtier. c'est l'entité que je vais illuminer dans sa correspondance avec le médium. Et les entités le savent. C'est pourquoi quand j'entre en contact avec un médium et que je parle ou que j'explique ou que je dis à l'entité dans le monde de la mort que l'information qui est donnée au médium est sujette à des conditions qui sont réunies globalement dans tout l'ensemble du mensonge cosmique, cette entité doit éventuellement ajuster sa vibration. Et s'il ne le fait pas, la communication entre lui et le médium est coupée. Donc, l'homme doit se protéger. L'homme doit se protéger, non pas contre l'homme, parce que ces gens-là, ces médiums, ce sont des gens honnêtes. Souvent, ce sont des gens simples. Souvent, ce sont des gens qui sont plus sophistiqués, comme j'en ai rencontré. Mais ce sont des gens qui sont là à faire un boulot, un travail, un métier qui est sérieux pour eux. Mais les entités, ce sont ces entités, les entités qui sont derrière le médium, que nous devons surveiller. Et je vous assure, et d'ailleurs ça fait partie de la fondation de l'instruction, je vous assure que l'homme sur la Terre, dans un état de conscience avancé, mental, surtout l'homme qui est dans un état de conscience en fusion, n'a rien à apprendre du monde de l'astral. Donc si l'astral veut travailler avec l'humanité à travers le canal de la médiumnité, ce qui est très utile, l'astral ne doit pas retarder l'évolution de l'homme, mais par contre, si l'homme n'est pas suffisamment conscient des lois de l'évolution, à ce moment-là, il n'est pas capable, lui, de s'assurer que ce qu'il reçoit de l'astral invite l'humanité à une plus haute conscience. Et c'est à ce moment-là que le médium sur la Terre ne fait pas son travail. Autrement dit, ce que je veux dire. Si vous étiez médium et que je vous disais, bon, mais faites attention à ceci, faites attention à cela, quand on vous dit ceci, demandez cela, allez plus loin, testez, vérifiez, assurez-vous que tout ce que vous recevez comme information venant du plan supérieur convienne parfaitement à votre propre intelligence. À ce moment-là, vous ne faites pas votre boulot et à ce moment-là, vous êtes susceptible, au cours de votre expérience, d'être rejeté de ce grand courant d'énergie médiumnique qui s'éveille aujourd'hui dans le monde et qui servira demain à donner naissance dans le monde pour une multitude d'hommes à des points d'information suffisamment avancés, intelligents, créatifs, non opposés à l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, et qui aidera certainement l'humanité à parcourir un très long chemin d'évolution jusqu'à ce que l'homme en arrive éventuellement à une pleine conscience. Donc les médiums, nous devrions aujourd'hui commencer dans le monde à regarder les médiums comme des êtres sincères, à regarder les médiums comme des êtres qui sont importants dans l'évolution de l'humanité, mais aussi à regarder le fait et à concevoir et à prendre conscience du fait que les entités qui leur fournissent de l'information sont réellement ces êtres ou celles ou ceux qui sont directement responsables de l'affection qu'ils peuvent ou des conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'évolution de l'humanité. Donc, le point, avant de finir, que je veux dire, on devrait commencer à ne pas chastiser les médiums, mais on devrait commencer à prendre conscience de la valeur de l'information qui vient des plans subtils. Si nous avons la faculté ou les connaissances ou le pouvoir vibratoire, aider les médiums à ajuster leur relation avec le plan astral jusqu'à ce que le médium lui-même un jour devienne un médium mental. Et à ce moment-là, ben, probablement que ce service à l'humanité sera arrêté, il n'y aura plus le karma de l'âme, mais après ça, ben, le médium ne travaillera plus comme il a travaillé par le passé. Nous sommes rendus à ce stage-là. Bon, dans un processus de conscience, la question que j'avais en tête, c'est, on devient tous médiums éventuellement, dans le temps. Vous dites qu'on a accès à 10% de vérité ou de réalité et 90% d'une sorte de mensonge cosmique ou de mensonge. L'individu qui est dans un processus de conscience, qui ne vise pas à travailler avec la médiumnité, mais qui se rend... Je vous arrête une seconde. Quand je dis que nous avons accès à 10% d'informations, 90% de tromperies, de conditions ou d'informations conditionnelles régies par le mensonge cosmique, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas demander à une entité qui est dans le monde de l'astral de connaître les lois du mensonge cosmique. Okay. Les lois du mensonge cosmique qui ont été découvertes par l'homme en fusion sur la Terre. Vous ne pouvez pas demander à l'entité qui est dans le monde astral de connaître l'origine de ses pères. Vous ne pouvez pas demander à l'entité dans le monde de l'astral de connaître les forces qui gouvernent ce plan de la mort. Donc, les entités dans le monde de l'astral vont toujours répondre à l'homme en fonction de leur ignorance et aussi en fonction de leurs attributs, qui est celui de toujours maintenir l'homme dans un certain niveau de déséquilibre. Si l'astral répondait à l'homme de façon directe, dans la mesure où le mental peut répondre à l'homme de façon directe, à ce moment-là, l'homme entrerait en initiation solaire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le mensonge cosmique est soulevé de la conscience de l'homme, à partir du moment où la conscience humaine réflexive ou la pensée humaine réflexive est fusionnée à la pensée cosmique créative, la nature du moi et la conscience du moi et la validité du moi, la structure psychique du moi est altérée. Pourquoi? Pour permettre finalement une restabilisation des énergies cosmiques à l'intérieur des principes de l'homme, ce qui crée l'homme nouveau. Mais nous sommes des êtres de mémoire. Nous avons des âmes qui ont parcouru un certain niveau d'évolution. Nous avons des âmes qui sont en elles-mêmes de la mémoire. Nous avons des personnalités qui sont l'expression de tout ce qui est gardé dans la mémoire de l'âme. Certains de nous sommes habités par des entités astrales et ne le savent pas. Donc, la conscience de l'homme est tellement limitée par la brisure du contact entre lui et sa source, qu'aussitôt que une entité du plan astral ou du haut astral viendrait vers l'homme pour lui révéler des choses qui seraient à la mesure de la conscience mentale, cette entité serait incapable de le faire. Une raison parce qu'elle n'est pas en fusion, et l'autre raison parce qu'elle serait empêchée d'aller trop loin dans les archives, elle serait empêchée d'étudier trop tout le réseau de communication des systèmes psychiques qui conviennent à la structuration mentale de l'ego affligé ou de l'ego envers lequel ou avec lequel elles sont en travail. Nous devons reconnaître, d'ailleurs nous reconnaîtrons au cours de l'évolution, que chaque être humain appartiennent à le cosmos, à un système d'information, à un système de communication particulier. Il y a des êtres humains dans le monde qui appartiennent à certains réseaux universels de communication. Vous avez d'autres êtres humains qui appartiennent à d'autres réseaux de communication. Ce sont différents programmes de vibration qui permettent à l'être humain de communiquer sa pensée sur le plan de l'expérience matérielle d'une façon qui convient à la totalité de son mémoriel. Donc, si vous avez des êtres humains dans le monde qui ont accès à un système de communication vibratoire qui est extrêmement avancé et qu'ils viennent en contact avec d'autres êtres humains qui ont un système de communication vibratoire différent, si ces êtres-là ne sont pas capables de contrôler l'énergie, la résonance de la vibration de leur système vibratoire, ils peuvent détruire et causer des dommages à la conscience de l'homme en évolution. C'est la même chose sur le plan astral. Dans le plan astral, vous avez des âmes qui appartiennent à certains réseaux de communication, d'autres âmes qui appartiennent à certains réseaux de communication. Et ce qui fait la particularité de la médiumnité, c'est que vous avez sur le plan matériel un homme qui appartient à certains réseaux de communication, qui est en harmonie vibratoire avec une entité dans le monde de la mort qui appartient au même réseau de communication. C'est pour ça que lorsque vous avez une âme incarnée et une âme désincarnée qui communiquent ensemble, dans ou à travers, ou en utilisant un système de communication qui leur est identique, ces deux êtres-là ne sont pas capables de sortir de leur réseau de communication, de sorte que le médium qui reçoit l'information reçoit l'information en résonance avec l'entité qui la donne. L'entité qui la donne en fonction d'une résonance qui est en harmonie avec celui qui la reçoit. Donc, il se crée un cercle vicieux. Et ça, c'est la raison absolue et fondamentale pourquoi les médiums, au cours de l'évolution qui a duré pendant des milliers d'années, n'ont pas été capables de donner à l'homme une science universelle. Si nous regardons d'une façon intelligente et simple l'évolution de l'humanité, oublions l'Atlantide, regardons simplement les civilisations que nous connaissons, l'Égypte ancienne, la Grèce, la Rome ancienne, les civilisations celtes, ainsi de suite, tous les groupes druides. Bon. Jusqu'à aujourd'hui. L'homme a été en communication avec le plan astral depuis des siècles, depuis des millénaires. L'homme, dans sa littérature, a parlé des muses. Nous avons rencontré des muses tout partout dans la littérature. Les grands cerveaux de l'humanité ont contacté, ont été en contact avec des niveaux d'inspiration qui étaient effectivement des niveaux de communication médiumnique, jusqu'au plus moderne, Victor Hugo, Chateaubriand, ainsi de suite, Byron, en Angleterre. Donc, si l'humanité, dans sa relation télépathique avec le plan astral, n'avait appartenu qu'à un identique système de communication, aujourd'hui, des hommes comme moi ne seraient pas nécessaires. Dans ce sens que l'instruction ne serait pas nécessaire dans le monde parce que nous aurions eu accès à l'universalisation de la connaissance. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous avons eu au cours des siècles de l'information qui a neutralisé d'autres informations, Regardez simplement les questions philosophiques ou occultes ou métaphysiques ou métapsychiques que nous posons par rapport à la réincarnation. Vous avez des hindous qui parlent de la réincarnation, qui parlent de la réincarnation de l'homme qui revient dans un corps animal. Vous avez des orientaux qui parlent de la réincarnation de l'homme et qui n'y croient. Il y a d'autres qui n'y croient pas. Il n'y a aucune unanimité sur la réincarnation. On n'a même pas fait la différence entre la réincarnation et l'incarnation directe, ainsi de suite. Nous avons beaucoup de choses à étudier en ce qui concerne l'origine des pensées, l'origine des notions occultes, hermétiques de l'humanité, et c'est ce qui commence présentement à se faire. Mais la raison pour laquelle nous n'avons pas été capables pendant l'évolution de le faire, c'est parce que les hommes ont appartenu à différents niveaux, à différents systèmes de communication. Pourquoi? Parce que les hommes ne viennent pas tous des mêmes planètes. Il y a des hommes dans la galaxie qui viennent de très loin. Il y a des hommes dans la galaxie qui viennent d'autres planètes. Donc, tout ce système de communication psychique qui fait partie de la vibration et de la résonance originale de ces planètes a été converti au cours de l'évolution en une mentalité qui, aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous garde dans une impuissance aussi réelle et affective que celle que nous avons connue il y a 2000 ans. La relation ou la division entre le champ mental ou l'aspect psychologique du mental chinois, japonais, russe, américain, allemand, aujourd'hui, nous le retrouvons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conscience universelle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conscience universelle? Parce qu'il n'y a pas sur notre planète une humanité qui, à travers ses incarnations, a réussi finalement à universaliser la communication, c'est-à-dire à recevoir de l'information venant des plans psychiques qui serait universelle, c'est-à-dire d'un même réseau. C'est ce que l'évolution fera. Donc, lorsque je parle de l'évolution de l'humanité, je parle de la séparation. Je parle de la séparation des systèmes de communication. Le phénomène de la tour de Babel, c'est la séparation des systèmes de communication. Si on vous demande qu'est-ce que c'est le phénomène de la tour de Babel, qu'est-ce que c'est la confusion des langues? La confusion des langues, c'est la séparation des systèmes de communication dans le monde à cause des relations extratemporelles que les hommes ont vécues pendant des très grandes périodes de temps en relation avec des origines planétaires totalement différentes. Donc, vous ne pouvez pas demander à des hommes qui viennent de différentes planètes dans le cosmos et qui s'incarnent sur la Terre d'arriver dans leur milieu terrestre et de parler avec une vibration ou une résonance qui soit universelle. C'est ça la tour de Babel. Mais on ne nous parle pas de la tour de Babel lorsque nous sommes en contact avec l'astral. Les entités ne nous disent pas, mais moi je viens de tel endroit, un autre vient de tel endroit, un autre vient de tel endroit, de tel endroit. On a toujours l'impression, et on nous donne toujours l'impression, que le monde astral ou les sphères spirituelles sont des sphères réellement unanimes, que ce sont des sphères réellement universelles, que ce sont des sphères réellement qui ont comme, non pas comme responsabilité, mais comme dépôt ou comme mandat, celui d'élever la conscience de l'homme. Moi, je sais très bien que la fonction des sphères spirituelles sur la Terre n'est pas d'élever la conscience de l'homme, c'est de garder l'homme dans la conscience spirituelle afin de manipuler sa vibration, afin de garder en otage psychique des hommes d'une même nation ou d'un même groupe psychique qui vient d'une planète originale. Donc, dans le monde de l'astral, les entités qui communiquent avec les médiums ont la fonction de garder en résonance un certain nombre d'individus dans le monde en fonction par rapport à un réseau de communication psychique qui fait partie d'autres planètes, d'où l'homme qui aujourd'hui est sur la Terre vient originellement. Donc, le monde astral, pour moi, c'est un monde qui est totalement anti-homme, anti-intelligence. C'est un monde qui est effectivement spirituel parce qu'il a servi à l'évolution de la spiritualité sur la Terre, mais la spiritualité sur la Terre est simplement un état dans la convulsion des sphères. C'est simplement une étape dans l'évolution des sphères. C'est simplement une étape dans l'évolution de l'intelligence. C'est simplement une étape dans la transformation dans la lumière de l'homme et dans la réorganisation psychique de son moi. Et éventuellement, lorsque l'homme sera amené à une conscience réellement universelle, c'est-à-dire que lorsque l'homme sera un médium parfait, lorsque l'homme sera capable de passer directement à travers l'astral et ne pas être arrêté dans sa conscience mentale par une résonance qui pourra, à travers toute la mécanique des coques astrales, infecter sa conscience personnelle, l'homme aura accès à sa source universelle. Sa source universelle qui est en dehors du temps de la mort, donc qui n'est pas régie par les lois systémiques de la communication. Le plus grand danger de l'homme sur la Terre, il ne s'agit pas pour vous dans la salle de comprendre ce que je dis, ce n'est pas important. C'est simplement la vibration qui est importante. Dans le temps, vous comprendrez par vous-même ces choses-là. Si vous vous attaquez intellectuellement à ces notions, vous perdez votre temps. Ce que je disais, c'est que dans l'évolution de la conscience de l'homme, éventuellement, il sera nécessaire pour lui d'en arriver à pouvoir communiquer universellement avec les hommes. Mais pour que l'homme puisse faire ça, il faut qu'il ait accès à une vibration universelle. Pour qu'il ait accès à cette vibration universelle, il faut qu'il sorte du réseau particulier de ses incarnations antérieures. Qu'est-ce que vous entendez par sortir du réseau? Sortir du réseau particulier de ses incarnations antérieures, ça veut dire sortir du karma de sa race. Ça veut dire sortir de ses liens avec la race. Ça veut dire sortir de la mémoire de la race. Ça veut dire entrer dans l'identité de sa propre conscience universelle. Ça, ceci créera la transmutation, initiera l'homme à son initiation solaire, amènera l'homme à un niveau de vibration, de résonance vibratoire suffisamment dégagé de tout le mémoriel racial auquel il a participé pendant l'évolution et fera de lui un être universel. Donc à ce moment-là, s'il va en Chine, s'il va en Russie, s'il va aux États-Unis, s'il va en Allemagne, s'il communique avec des hommes, de quelque acabit ou de quelque source ou de quelque racine que ce soit, il pourra être compris et il pourra les comprendre parce qu'à ce moment-là, il ne sera plus régi par une programmation systémique, il sera plutôt maître de la pensée et pourra lui-même créer une nouvelle programmation à la mesure de sa faculté, à la mesure de sa lumière, à la mesure de sa résonance. Donc l'homme deviendra à ce moment-là créateur, il ne sera plus régi par les lois de l'évolution, il ne sera plus régi par les lois de l'incarnation. Il ne sera plus régi par les lois karmiques, il ne sera plus régi par les lois de l'âme, il sera simplement le produit ou le résultat d'une fusion, c'est-à-dire de l'alliance entre l'esprit, qui est la source de l'intelligence, universellement parlant, l'âme, qui est le centre de sa réalité, mais sans périsprit, c'est-à-dire sans cette mémoire karmique, oui. Et l'ego, qui, une fois rendu transparent, deviendra un outil, un élément extrêmement important pour le développement de la conscience ou de la science sur la Terre, dans différents systèmes avancés. Bernard, est-ce que c'est utopique de penser que, par le biais d'une instruction comme vous donnez, ou par une forme quelconque de développement intérieur que des gens font comme démarche, est-ce que c'est possible de pas avoir d'information astrale puis d'avoir accès directement à une information mentale? Oui. Oui. C'est possible. Oui. On n'est pas obligé d'avoir une médiumnité astrale. Non. Effectivement, vous avez entièrement raison. Il y a des hommes qui... ça peut être temporaire. Mais effectivement, il y a des hommes qui n'ont pas besoin de recevoir de l'information psychique. Ils le sentent. Donc, que vous receviez l'information sur le plan de la télépathie, ou que vous receviez de l'information à travers des centres psychiques sensibles qui font partie de votre être, que vous pouvez reconnaître, ou que vous receviez de l'information dans la vibration, dans la résonance de votre énergie en mouvement, un homme qui est dans sa lumière, dans son énergie, dans sa science, dans sa conscience, il le sait. Il y a une sorte de certitude qui s'imprime, il y a une sorte de dépassement de son maîtrité qui se manifeste, il y a une sorte d'autorité créative qui fait partie de toute sa conscience, il y a une sorte d'autonomie extraordinaire. Il y a une sorte d'unicité dans son particularisme qu'il vient avec le temps à reconnaître, qu'il arrive avec le temps à ne plus douter. Et ça fait partie de l'ajustement de ses corps subtils. Et puis, il a la même conscience de l'invisible à travers cette Il a une sensibilité à l'invisible. Il y a une sensibilité par rapport à l'invisible. Il n'a pas nécessairement la capacité de communiquer avec l'invisible, qui est une autre fonction qui ne lui est pas dévolue, parce que ce n'est pas nécessaire pour quelque raison que ce soit. Mais il est sensible à l'invisible. Il peut avoir une très grande sensibilité aux lois occultes de l'invisible, et ainsi de suite. Okay. Bon, cette sensibilité-là, dans quelle mesure elle est efficace pour prendre une décision? Parce que la grande question qui me revient souvent par rapport aux gens, c'est intéressant l'information, mais est-ce qu'on peut prendre une décision? Est-ce qu'on peut agir avec l'information? C'est intéressant ça. C'est très, très intéressant. Je ne crois pas que l'homme... Je me rappelle, il y a plusieurs années, lorsque j'ai vécu la fusion, je demandais, quel est le but de la fusion? Est-ce que le but de la fusion, c'est de me rendre intelligent? Et on m'a répondu non. On m'a répondu que le but de la fusion, c'était de me donner de la clarté. Si on a de la clarté, l'intelligence vient de soi. C'est facile d'être intelligent, mais ce n'est pas facile d'avoir l'esprit clair. Donc, pour répondre à votre question concernant les questions que l'homme peut se demander en médiumnité ou par rapport à des médiums ou par rapport à l'invisible, un être peut regarder ce qu'il reçoit de l'invisible en tant que science explicative. L'invisible, nous devrions regarder ou avoir un contact avec l'invisible pour regarder ce que nous faisons. Mais ce n'est pas à l'invisible où nous ne devrions pas prendre de décision à partir de l'invisible. Nous devrions regarder ou utiliser la lumière qui vient de l'invisible pour jeter de la lumière sur notre table et regarder le jeu de nos cartes. Mais les décisions que nous prenons ensuite peuvent être plus intelligentes. Mais les décisions doivent être prises par nous. Un homme qui prendrait des décisions à partir de l'invisible, qui s'assujettirait à un commandement venant de l'invisible, vivrait une initiation. Parce que les valeurs de l'invisible, que ce soit sur le plan astral ou que ce soit sur le plan mental, ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, je ne dis pas qu'un jour l'homme ne pourra pas travailler ou ne pourra pas prendre un commandement à partir de l'invisible. Oui. Mais pour qu'un homme puisse faire ceci, il faut qu'il soit réellement très conscient. À ce moment-là, l'invisible, il n'a plus rien à apprendre sur le plan matériel. Il n'est plus dans l'expérience de l'âme, il devient un être créateur. Oui, à ce moment-là, ça fait partie de ses pouvoirs. Ça fera partie des pouvoirs de la lumière de l'homme sur la terre. Mais jusqu'à ce que l'homme soit rendu à cette étape de l'évolution de sa conscience, dans la mesure où il traite à l'invisible, qu'il se serve de la lumière qui vient de l'invisible pour étudier, pour regarder d'une façon beaucoup plus limpide ses aspects opaque, mais qu'il ne recherche pas de l'invisible, de l'information, qui serait susceptible à l'état où il est, ou à l'âge où il est, de l'amener à rechercher le pouvoir. Le danger de l'homme qui n'est pas conscient, c'est toujours le pouvoir, parce que le pouvoir fascine. Et un homme qui trafiquerait avec l'invisible astral pour recevoir de l'information, pour prendre des décisions sur la Terre, à partir de cette information, pourrait en arriver éventuellement à rechercher le pouvoir si l'information est précise, et c'est là qu'il pourrait se brûler. Donc, si on me demande généralement, est-ce qu'on doit prendre des décisions à partir de l'invisible, je dirais non, on doit prendre des décisions à partir de nous-mêmes, mais se servir de la lumière de l'invisible pour regarder les différentes questions, les différentes alternatives qui peuvent nous être utiles dans la décision que nous devons prendre. Maintenant, quand on parle de prendre une décision par nous-mêmes, avec tout ce que j'ai absorbé comme information, j'en viens me demander c'est quoi nous-mêmes, parce que le mental est tellement manipulé par toutes sortes de sources, on parle de l'esprit, on parle de l'astral. Le nous-mêmes, quand je parle de nous-mêmes, un nous-mêmes conscient, c'est un nous-mêmes qui est équilibré. Parce que n'oubliez pas une chose, quelle que soit la relation de l'homme avec les plans invisibles, éventuellement, si l'homme doit en arriver à une autonomie, à une conscience intégrale, à un moi universel, à une volonté, à une intelligence, à un amour cosmique, si l'homme doit en arriver un jour à être réellement maître du mental, il faut qu'il en arrive à vivre ou à connaître l'équilibre entre l'invisible et le matériel. Et c'est ce qui se passera. Une fois qu'il y a équilibre entre l'invisible et le matériel, entre l'âme et l'esprit, à ce moment-là, nous pouvons dire l'homme, que l'homme prend ses décisions, parce que ce qui est en haut est en bas. Mais lorsqu'il y a déséquilibre entre l'invisible et le matériel, l'homme n'est pas libre. Il est influencé dans ses émotions, dans son mental. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le « nous » n'est pas un « nous » réel, ou le « moi » n'est pas un « moi » réel. C'est un « moi » expérimental, c'est une conscience expérimentale. Okay, okay. Et lorsque l'homme est réellement équilibré dans sa conscience, et que les forces occultes de sa conscience n'ont pas plus de pouvoir sur lui que lui sur elle, et que c'est un échange intégral, l'homme le sait, les forces le savent, et lorsque l'homme prend une décision sur le plan matériel, cette décision, elle fait partie de son moi universel, attentif à la contrepartie cosmique, comme la contrepartie cosmique est présente dans la contrepartie matérielle. À ce moment-là, il n'y a plus de problème d'identité, il n'y a plus de problème d'illusion, il n'y a plus de problème de miroir. Mm-hmm. Ce que l'homme fait ici, c'est ce qui doit être fait. Il le sait, il n'a aucune hésitation, il a une certitude absolue, et ainsi de suite. Mais ça, ça fait partie de l'évolution. Avant, oui. Bon, vous dites qu'il y a c'est parce que j'essaie de situer les influences dans un processus de décision. On a les sources d'influence astrales, ça c'est assez bien identifié. Ça ne semble pas être nous. Ça orbite autour de nous, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, mais ça fait partie de notre vibration. N'oubliez pas que les influences qui viennent du plan astral font partie de notre vibration. Je donne l'exemple, par exemple... je donne l'exemple d'une personne qui aurait tendance à être jalouse. Mm-hmm. Sa jalousie est une influence astrale. Elle fait partie de l'habitat astral. C'est une entité astrale qui l'habite, cette personne. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, son comportement sur le plan humain, il est en relation vibratoire avec cette entité. Mais pourquoi cette entité l'habite-t-elle? Parce que dans une autre vie, il y a eu expérience entre ces deux personnes-là. Donc l'entité aujourd'hui se revanche, et la personne ici, sur le plan matériel, en vit la conséquence. Ça fait partie du karma des âmes. Okay. Mais c'est une manipulation. C'est une manipulation. Donc c'est extérieur à la personne. C'est une manipulation qui est extérieure à la personne, mais qui fait partie du karma de la personne. Est-ce qu'à ce moment-là, on considère ça que c'est vital à la personne? Vous ne pouvez pas enlever à l'homme la responsabilité de ses actes sur la terre parce qu'il est habité par une entité. Vous ne pouvez pas dire « Ah ben ce type-là, il a tué une personne avec un fusil parce qu'il a entendu une voix. » Oui. Effectivement, sur le plan légal, vous pouvez le faire et dire « Bon, ben cet homme-là, c'est un homme qui a perdu ses facultés. Bon, nous lui donnons une peine réduite. » D'accord. Mais je parle sur le plan karmique, sur le plan des sciences occultes du mental. Cet homme qui tue quelqu'un parce qu'il a entendu une voix et qui est habité par une entité a un lien avec cette entité. Et il est responsable de lui. Et il est responsable de ce lien et il est responsable de briser ce lien. Ah, okay. S'il en arrive à briser ce lien, à ce moment-là, ce phénomène antisocial de tuer quelqu'un ne pourra plus se reproduire. Parce qu'il ne sera plus habité par une entité qui cherche, à travers cette action, à le garder dans l'oppression de la société. Pour quelque raison que ce soit, dépendant du cas, il faudrait étudier chaque cas, chaque meurtrier à son entité. Mais Manson, c'est un cas évident, là. Mais ça se passe tous les jours à Montréal, ça se passe tous les jours dans les journaux. Mais on ne regarde pas le phénomène de l'entité, parce que la psychologie aujourd'hui n'est pas suffisamment occulte, c'est normal. Mais on a quand même l'impression que quand on parle d'une entité, on parle de quelque chose qui est extérieur à nous. Quand on parle d'une entité, on parle d'une âme qui est dans le plan astral, qui est dans le même monde que nous, lorsque nous mourrons, nous retournerons. Donc le plan astral, c'est un monde qui est en résonance vibratoire avec notre conscience personnelle. C'est tout là la mystique occulte de la conscience humaine. C'est ce que la psychologie classique s'est refusée de comprendre et c'est ce qu'elle sera obligée un jour de comprendre. Il se produit dans le monde aujourd'hui des textes ou des documents cinématographiques, des documents littéraires qui commencent à inviter l'humanité à regarder le phénomène de l'homme d'une façon différente. Regardez les films qui se produisent dernièrement. Il y a un film que j'ai vu tout dernièrement, qui nous donne accès à une certaine perception valable de la réincarnation, ainsi de suite. Il y a des films. Donc, et le cinéma, cette industrie cinématographique devient de plus en plus créative, devient de plus en plus hermétique. Et vous verrez au cours des années qui viennent des films extraordinaires qui expliqueront la nature de la vie sur la Terre ou dans le cosmos d'une façon totalement aberrante si nous la comparons à ce que nous avons connu de Kétène par le passé. Donc, il y a des grands mouvements dans le monde sur le plan de l'idée, sur le plan de la créativité, sur le plan de la gestion de l'information. Donc, en ce qui concerne la psychologie, les psychologues, c'est la même chose. Il y a des psychologues qui s'avancent, qui commencent un petit peu à regarder des domaines plus marginaux. Mais ça dépend de chaque psychologue, ça dépend de l'évolution de sa propre âme. C'est tout un phénomène d'âme, c'est tout un phénomène de karma, de résonance, ainsi de suite. Bon, je veux quand même faire un point, là. Disons que je vais pousser ma question plus loin. Le double, est-ce qu'il a la relation avec l'ego matérialisé? Est-ce qu'il a une relation similaire à celle de l'âme désincarnée, qu'on parle d'être une entité? Est-ce que c'est le même type de nature de relation? En d'autres termes, l'entité, c'est une âme, mais nous, on a une âme. Donc, il y a deux âmes qui sont en résonance, mais il y a deux âmes. Est-ce que le double, c'est nous, ou le double, c'est une partie qui est extérieure à nous et avec laquelle on doit traiter ou couper des liens ou établir un lien de la même façon qu'on a avec l'entité? Le double, mon cher, c'est l'esprit. Ce qu'on appelle l'esprit. Je déteste ce mot. Ouais. Mais nous sommes obligés aujourd'hui de l'utiliser, bien qu'il a été galvaudé pendant les siècles. De même pour le mot âme. Nous sommes des âmes incarnées, ouais, qui peuvent être habitées ou non, mais qui ont tous un lien avec le plan mental, c'est-à-dire avec un esprit. Il n'y a aucune âme sur la Terre qui n'a pas une connexion avec un esprit. Une âme qui n'a pas de connexion avec un esprit, c'est ce que nous appelons un animal. Donc, un animal, ça ne pense pas. Un homme, ça pense. Et la différence est dans cette connexion. Donc, tous les hommes ont un esprit. De là à ce que les hommes puissent communiquer télépathiquement, télépsychiquement avec leur esprit, ce qui est inévitable au cours de l'évolution, aujourd'hui n'est pas possible parce que nous faisons partie de l'évolution. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus reliés au monde de la mort qu'au monde de la lumière. Nous avons beaucoup plus de relations télépathiques, sensibles, avec des entités astrales qu'avec des êtres de lumière qui ne sont pas incarnationnels ou réincarnationnels, qui ne sont pas des âmes. Okay. Pour que l'homme ait contact avec ces êtres-là qui sont ou qui représentent ultimement son principe cosmique relié à l'âme, dont l'axe transperce l'ego pour la manifestation humaine, pour que l'homme ait contact avec ce principe, il faut qu'il en arrive à dépasser la relation consciente ou inconsciente avec les plans astraux des âmes qui influe sur sa conscience personnelle et qui crée ce que j'appelle la personnalité. Donc, pour moi, la personnalité de l'homme est une invitation psychique à une forme quelconque de télépathie, consciente ou inconsciente. Un homme qui a de la personnalité, c'est un homme qui est plus ou moins influencé à partir du plan astral. Que ce soit d'une façon consciente, comme dans le cas des médiums, ou que ce soit inconscient dans le cas de l'humanité en général, le phénomène demeure que de la personnalité, c'est de la désinformation. Passe l'homme de la personnalité à la personne, passe l'homme de l'évolution à l'évolution, nous avons non plus une personnalité, nous avons une personne. Une personne, c'est quoi? Une personne, c'est une âme mise en résonance avec un principe cosmique qu'on appelle aujourd'hui l'esprit, qui est totalement ou dont les deux aspects sont totalement harmonisés à travers une lentille qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire à travers le plan mental humain, ce qui crée une conscience supramentale au lieu d'une conscience mentale dans le cas antérieur. Bon, la communication, quand on est dans un stage supramental, la communication avec cet esprit, est-ce que c'est divisible de nous ou si on est dans une unité? En d'autres termes, L'unité. C'est parce que quand on dit donner confiance dans une décision à l'invisible, vis-à-vis de l'astral, je peux comprendre le facteur de désinformation. Même chose par rapport à l'esprit. L'homme ne peut pas se permettre de donner confiance. Je remets toujours ça, ce fameux phénomène. L'homme ne peut pas croire. Mm-hmm. Parce que croire, c'est une insuffisance. À partir du moment où vous croyez, que vous croyez la mouche, ou que vous croyez le chien, ou que vous croyez la belle-mère, ou que vous croyez l'entité, ou que vous croyez l'esprit, croire, c'est être en dessous d'eux. Et l'homme n'a pas à être en dessous de quoi que ce soit. L'homme doit être au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il doit être au-dessus de toute forme de résonance astrale dans sa conscience. Donc, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire, ah ben l'homme, que je comprends que l'homme ne croit pas des entités parce que ce sont des âmes incarnées qui sont encore régies par le rôle de l'expérience et que l'homme peut se permettre de croire l'esprit. Il n'y a pas de différence. Croire, et croire, c'est anathème, et dans l'instruction, l'homme découvrira que toute forme de croyance est impossible pour un être qui a une conscience intégrée, c'est-à-dire pour un être qui est en parfait équilibre dans son réseau d'énergie entre le plan matériel et les plans psychiques. Bon, je change le mot croire pour reconnaître. Bon, okay. Parlez-moi pas de croire. Ce que je veux savoir, c'est que, supposons, là, mais là, on met un théorème, là, supposons qu'on élimine l'astral et qu'on a une relation qui, c'est très clair, c'est avec l'esprit. Ce qui traite avec l'esprit, ce qui ne croit pas à l'esprit, ce qui reconnaît l'esprit ou ne reconnaît pas l'esprit, c'est quoi? C'est-tu l'esprit qui se reconnaît à l'intérieur de l'ego ou c'est l'ego qui a un aspect très personnel qui reconnaît l'esprit? C'est l'esprit qui se réfléchit à travers l'âme sans aucun courant astral qui assombrit sa vibration et qui permet à l'ego sur le plan mental de ne pas vibrer par réflexion, ce qui crée et qui permet à l'esprit d'être à la fois présent sur le plan humain et à la fois présent sur le plan cosmique, ce qui permet à l'esprit de vivre instantanément la multidimensionnalité de la conscience humaine et qui permet à l'homme de vivre instantanément la multiplicité de sa conscience perfectionnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conscience des cellules. C'est la meilleure réponse que j'ai jamais eue pour résoudre ce problème. C'est une des réponses. Oui, il y a plusieurs réponses. Il y a toutes sortes de réponses. Une dernière. Oui. Une autre réponse, mais une dernière, sur le même thème. Oui. Vous en voulez une autre réponse? Oui, parce qu'il reste, il reste une minute. Bon, je vais me reposer. Non, mais c'est parce que c'est la grande question des gens. Ils disent souvent, face à l'esprit, reconnaître l'esprit ou ne pas donner à l'esprit une crédibilité quand on est en pleine action sur le plan matériel, qu'est-ce qui a la force de faire face à son esprit? Et puis là, vous venez de répondre. Je ne pourrais pas répéter, malheureusement. C'est, pour moi, c'est la grande réponse. Parce que c'est la grande question qu'une personne se pose quand il est dans le jus du moi. Là. C'est qui ce moi face aux forces? C'est la grosse problématique. Qui je suis, moi, pour être capable de faire face aux forces? C'est souvent cette grande question-là que les gens se posent. Les forces font partie de l'homme. L'homme est un plan des forces. On ne peut pas séparer l'homme. On ne peut pas dire que l'homme, c'est simplement un corps physique ou c'est simplement une enveloppe astrale. L'homme, c'est tout ça. L'homme, c'est une totalité. On a tendance à diviser l'être humain. Et ça, on le fait parce que nous sommes des êtres rationnels, nous sommes des êtres logiques. Essentiellement, vous ne pouvez pas séparer le volant de l'auto des roues. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas. Okay. Techniquement, rationnellement, oui. Mm-hmm. Mais psychiquement, essentiellement, vous ne pouvez pas séparer le volant de la roue ou du moteur. L'auto, c'est une intégralité. Donc, dans l'auto, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a l'homme. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et l'auto. Merci beaucoup.